your makeup running down. Now what's that all about? Allô, c'est Alastair Sin du groupe From Hell. Vous écoutez Riff d'Enfer sur Arcusé 95 FM! Et eh bien le bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices d'RQC 95 FM. Bonsoir Slasher. Bonsoir Scream, ça va ? Ça va bien, et toi ? Oui, oui, la forme. La forme, voilà. Donc Riff d'Enfer aujourd'hui, avec le Slasher, on sera rejoint normalement par Sylvain. Dans quelques minutes, par Sylvain. Qui a quand même pu trouver le moyen de venir nous rejoindre. Alors au programme de cette émission, bien entendu, que des nouveautés, hein. Oui. Et alors, la saison démarre très très bien pour nous. Oui. Car déjà, bonne nouvelle, première accréditation dans la poche pour les Steel Panthers. Oui, bien. Voilà, c'est déjà ça. Donc on va s'écouter des nouveautés. On vous rappelle aussi que la semaine prochaine, on aura l'interview Fauneur du groupe Nightmare. S'il vous plaît. Avec leur nouveau line-up et aussi une exclusivité pour écouter l'album. Donc voilà, merci à Tonton Roger. Voilà. Alors on va commencer très fort, on va démarrer avec A Day to Remember. L'album s'appelle Bad Vibration et on va s'écouter Paranoia et on se retrouve tout de suite après. Come a friend, I might not make it back. Voilà, donc c'était A Day to Remember avec le titre Paranoïaque de l'album Bad Vibration. Oui, excellent. Et on commence directement pour se réveiller. Hein. Ah oui, ça démarre sur les chapeaux de roue, comme on dit. Oui, ça envoie du lourd. Hein. Alors, j'oublie aussi, on retrouvera la Slasher Song. Oui, la Sylval Song. La Sylval Song et la balade crapuleuse. Voilà. Alors, on continue avec Black Swamp Water. L'album s'appelle Chapter 1. Et on va s'écouter World on Fire. Que du bon sur Rive d'Enfer aujourd'hui avec vous. Jusque 22h. Oui. Eh ben, c'est vraiment, vraiment chouette, hein. Black Swamp Waters, World on Fire. L'album s'appelle Chapter One. Ça déboîte bien. C'est du bon rock'n'roll, du bon hard rock. Hein. Le prochain qu'on va s'écouter, l'album va bientôt arriver. L'album s'appelle Diabolica. Le groupe, c'est Iron Mask. Et on va s'écouter un titre, tout simplement, Oliver Twist. Oui, ça c'est marrant. C'est pas la bande originale du film, hein, mais ça déboîte très très bien quand même. Et en plus, on a une connaissance aussi qui a participé, qui a prêté sa voix sur deux albums d'Iron Mask. On fait un petit coucou à Phil Le Tawa. Voilà, donc j'en ai profité tout à l'heure pour faire un petit coucou à Monsieur Le Tao. Oui, pourquoi? Parce qu'il a, il, donc chanteur de Till Dawn, il a participé à deux albums de Iron Mask, hein, quand même. C'est bien. C'est bien, quand même. Notre cher Phil Le Tao. Bon, là, il n'est pas dessus. Le titre, c'était Oliver Twist. C'est le nouvel album qui va arriver bientôt, incessamment sous peu, qui s'appelle Diabolica. La personne qui vous avait dit, bah oui, bah, c'est Sylvain. Bonjour, oui, Sylvain. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bah, bonsoir, everybody's. Plutôt. Hello, bonsoir. My friend. Bonsoir, bonsoir. Comment vas-tu bien? Bah, écoute, ça va bien. Voilà. Ouais. Bon, on va pas dire qu'il fait très chaud, mais non, bon, ça va, c'est bien. Je suis encore en t-shirt, donc ouais, ça va. Voilà, donc tout va bien. On te retrouvera aussi pour ta Sylvale 5, hein. Oui. Bon, je ne vais pas dire ce que c'est. Voilà, mais sortez le canigou. on fait pas de pub, mais voilà. Donc, ragout de toutou. Ragout de toutou, ragout de tous les toutous. Voilà, alors, juste avant de retrouver la Slasher Song, on va s'écouter un album que tonton Roger nous a envoyé aussi, qui s'appelle Seven Week. L'album s'appelle A Farewell to Dawn. On va s'écouter A Will Keep Secret. Aussi une chronique d'album que vous retrouverez bientôt sur la chronique du coin Metal. Voilà, allez, c'est parti donc avec Seven Weeks. Eh ben c'est pas mal du tout. L'album s'appelle Farewell to Dawn et c'est bien entendu Seven Weeks avec le titre A Well Keep Secret. Alors voilà, il est l'heure de retrouver la slasher song. Alors tu nous as choisi quoi slasher aujourd'hui? J'ai choisi une slasher song que il y en a qui connaissent par d'autres choses telles que les membres et tout, donc ils connaissent pas du tout vu que moi j'ai découvert ça il y a une ou deux semaines. C'est un bon groupe de metal extrême, on va dire black metal, death metal. C'est très rare que je passe du death metal parce que ça m'a intéressé tout simplement parce que là, ben, c'est la cinquième pour moi et je commence les cours d'espagnol, c'est comme ça. Et ils chantent en espagnol, donc c'est un groupe qui était fondé en 1989 à Tujima au Mexique. Donc c'est un excellent groupe, franchement. Le groupe s'intitule Brugira. Est-ce que quelqu'un connaît? Non. Si. Enfin ouais, là-bas. Enfin qui dit? Qui dit? Oui, parce que même dans certains États des États-Unis, ils sont même certains membres sont recherchés même pour des meurtres. Ah bon? Oui. Hein? Non, bah, voilà. C'est sympa ton groupe. Tu me les présenteras à l'occasion. Bon, t'en as déjà vu. Hein. Vous allez être étonnés. Donc là, je vais vous parler de tout ce qui est anciennement dans l'ancien membre. Il y avait chanteur de Napalm Death. Et quelqu'un que toi tu connais très bien et que toi t'as déjà vu une fois mais que tu le connais quand même, notre cher ami Nino Cazares. Ah oui. Guitariste de Fear Factory. Oui. Et donc maintenant dans les membres actuels, il y a Juan Brujo au chant. C'est des Juan. Surnoms. Hein. Juan. Fantasma, le vrai nom c'est Pat Oed à la seconde voix. Pinche Peach à la troisième voix. Ongo, donc le vrai nom c'est Shane Humbrui à la guitare. El Sinincio, son vrai nom c'est Jeff Walker à la basse. Et El Prido, son vrai nom c'est Adrien Aronson à la batterie. Donc là je vais vous passer la chanson Pronto El Plomo de l'album Poncho Azatland, qui est sorti le 16 septembre 2016 chez Nuclear Blast. D'accord, ouais. Alors on va s'écouter ça. Voilà, tu me dis quand on peut envoyer la sauce, hein? Bah c'est parti. Eh bien, pronto. Pronto. Allez, c'est parti. Alors, c'est le slasher sur RQC 95 FM, sur Rive d'Enfer. Et là, on va s'écouter ma slasher song. El norte de México ha sido escenario de batallas constantes entre bandas criminales y carteles que se disputan el control de las rutas para el tráfico ilícito de drogas hacia Estados Unidos. Hoy, cerca de la ciudad de Matamoros, descubrieron tres cuerpos de hombres sin vida. La policía nos dice que en las espaldas de los cuerpos estaba escrito un mensaje de tres palabras: cortado con machete filoso, plata o plomo, entre otras noticias. Yeah. que c'était Brugira avec le titre Planto o Planto. Oui, c'était Planta o Planto. Planta o Planto. O Plomo, pardon. Voilà, c'est de l'Espagnolito. Voilà, c'était Brugira. Brugira. C'est de l'Espagnolito. Voilà, donc c'est, ça change un peu de c'est ce qui nous met d'habitude. Hein. Ouais. Là, c'est un peu plus agressif. Bon, mais c'est son choix. C'est son choix. Voilà. Tu aimes bien. Et cela ne nous regarde pas. Tout à fait. Alors, le prochain, bah, tant qu'on est un peu dans du brutal, hein, on va un peu s'écouter Adversor. Et pas agresseur, mais adversaire. L'album s'appelle Rise to Survive. Et on va s'écouter The Triumph of the Terror. Oui, la terreur, le triomphe, bah, c'est malheureux à dire, mais c'est beaucoup d'actualité pour le moment. Ouais, voilà. Malheureusement. Hein. Ouais. Ouais. Allez, c'est parti. Voilà, donc c'est The Triumph of Terror, l'album s'appelle Rise to Survive, et c'était Adversor. Voilà. D'accord. C'était un petit peu le côté un peu brutal de l'émission. De la soirée. Le prochain, donc je sais bien que le slasher, et toi, vous aimez Till Lindemann, vous avez aimé aussi le projet qu'il a fait avec son comparse de Pain. Hein. Oui. Donc. Le nom va me revenir incessamment sous peu, comme ça. Quand... Peter Tagren. Peter Tagren. Tagren, voilà. Tagren. Et voilà, l'album de Pain, et là, qui s'appelle Coming Home, est là. Et on va s'écouter un extrait de cet album, qui est un peu dur à cerner. J'ai eu dur à trouver vraiment un morceau qui représente vraiment bien Pain. Et aussi... quand vous avez pu le découvrir, parce qu'ils ont, ils ont déjà quelques albums derrière, sur le, derrière eux, mais plutôt comme vous l'avez pu le découvrir avec dernièrement Till Lindemann. Donc là, j'ai choisi Call Me, donc de Pain. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, parce que c'est plus votre cam à vous, au slasher et à toi. Moi, j'aime bien Till Lindemann, mais par contre, bon, sans commentaire pour... Pour Pain. Mais peut-être que ce titre-là va peut-être... Je sais pas, moi, je comprends pas bien son histoire dans Pain. Il y a pas toujours la même voix. Non, mais... Un coup, il y a une voix superbe, et un coup, c'est une voix... C'est j'ai voulu. Pas bien compris quoi, ce truc. C'est voulu. Il y a quand même deux trois artistes comme ça qui s'amusent à faire des, on va dire des vocalises sur. Une fois, il y a une voix claire et nette qui est vachement belle. Et un coup, c'est un peu dans le genre groll, je sais pas trop quoi. C'est voulu sur l'album. Ouais, je pense, hein, je suppose. Ouais, mais là, j'ai eu dur à trouver. Bon, j'espère que ce titre-là va vous faire plaisir et vous aussi, cher auditeur auditrice. Bien. Voilà, allez, on va s'écouter Call Me de Pain, l'album s'appelle Coming Home. Voilà, donc là c'était Pain avec Call Me. C'est pas la bande originale du film aussi, ouais. Donc American Gigolo. Donc voilà, donc je sais pas. Ça c'est un peu plus dans ton. Bah oui, mais bon, l'album il est pas tout comme ça. Donc oui, ça, voilà, je suis d'accord. Voilà, c'est ça. Donc faut voir ce qui va interpréter sur scène. Hein, oui. Oh, je crois qu'il y aura du monde qui va aller le voir. Ah oui, quand oui, même, oui. Hein. Bah... Ah oui. Il y a bien du succès aussi, lui. Hein. T'imagines qu'il vient et hop, il emmène dans sa valise style. Là, je crois que tu serais vénère. Hein. Quand même. Ouais, mais bon, ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas. Alors, juste avant de retrouver la Cheval Song, on va s'écouter Heaven Below. Below. Avec l'album qui s'appelle Good Morning Apocalypse. Décidément. Terror, Apocalypse, Brugira, tout va bien. Avec Renegade Protest Movement. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé en préparant cette émission ce titre. On va s'écouter. Et après, on retrouvera ta Sylvain. Ok, pas de soucis. Pas de problème. Okay, pas de problème. On est là. Allez, c'est parti. You want it hard and loud. Let's start this rebellion. Focus your anger now. Come join the Renegade Protest Movement. We'll burn it to the now, hear the sound of my voice calling. Lies, they thought we'd forget somehow, but the truth is coming. Locked out in your own homeland, we're pumping freedom to the heart again. 10 million standing strong. You want it hard and loud. Let's stop this rebellion. Focus your anger. Alors là, je signe à deux mains, Heaven Below. Ouais, c'est pas mal, ça. Ouais. Renegade Protest Movement. C'est bien. Ouais, ah, moi, j'ai bien aimé. Moi aussi. Alors, on retrouve la Sylve Valsung. Il est exactement 20h dépassé de 44 minutes. Alors, dans notre studio, vous êtes bien branché avec Sylval, le slasher et moi-même pour l'émission. Rive d'enfer. Voilà, vous suivez. Enfin, slasher a toujours un trailer teint, mais ça fait rien. Alors, Sylval, tu as choisi quoi, pourquoi et pour qui, pourquoi ? Alors, moi, j'ai choisi les Poodles. Alors, pourquoi ? C'est bête à dire, tu vas rire, j'ai rêvé d'eux. Waouh ! Mais t'es arrivé lequel, Poodles ? Les Poodles ou les Poodles ? Ouf, ouf. Non, les Poodles. J'ai rêvé que... Mais écoute, c'est... Je sais pas, ça doit me manquer. J'ai rêvé que j'étais à leur concert. Mm-hmm. Et je m'éclatais comme une petite folle. C'est vrai que ça a été un des concerts l'année dernière, si tu te souviens. Ah, j'ai adoré. Ouais, mais ça avait été dans nos concerts, dans les 5 premiers concerts, je crois. Ouais, moi je l'avais mis même en album ou je sais plus quoi. En troisième. Mm-hmm. Ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai. Était dans mon top album parce que j'adore les Poodles, j'adore musicalement, vocalement. Les petits Suédois, je les aime bien, puis ils sont sympas. Très sympa. Il faut être honnête. Oui, hein. Super sympa. Très sympa, et je peux dire, de par avoir fait l'interview, très honnête, ils ne se prennent pas la tête. Non. Ils savent. On pourrait croire qu'ils sont un peu peut-être fiers, cucu la praline. Quand ils vont sur scène. Ils sont super gentils. Mais quand on parle avec eux, ben. Ils se livrent vraiment, ils s'ouvrent. Oui, voilà. Ils reconnaissent leur public et ils disent comment ils en sont arrivés là-bas. Ouais, voilà. Ça, c'est génial. Ah ouais, si j'aime bien. Par contre, il y a une question que j'aimerais bien leur poser, c'est leur guitariste. Il y en a tant. Il fait partie vraiment de l'équipe ou quoi ? J'ai un doute. Normalement, il fait partie de l'équipe. Le groupe, quand nous on les a eu en interview, l'équipe elle est au complète. Donc il n'y a plus de changement de line-up. Parce qu'ils font toujours leur pub pour leur ancien guitariste, que je ne sais plus son nom, mais très connu. Mmh. Peut-être que c'est un contrat qui était signé. Peut-être je ne sais pas. Peut-être qu'il a collaboré à l'album, et que le prochain album ce sera de nouveau. C'est pas, il n'y a que ça qui me déçoit chez eux. Leur guitariste n'est pas mis en valeur. Mmh. Ben, si vous nous entendez, les amis, ben, revenez par chez nous parce que Val vous doit vous poser une question. Je veux savoir quoi il casse du guitariste. Voilà. Voilà. Elle vous offre même le billet d'avion. Il est sympa, il est tout, il est cool. Mmh. On dégage d'El Malek, des longs cheveux. Donc revenons au choix. Donc c'est les Poodles avec. Ben, j'ai pris comme titre. Ben, ils sont tous bien. Bon, j'ai un petit penchant pour Cracking the Wall. Ah ouais, bien c'est le titre. Bien que tout l'album est bon. Ouais. J'avoue, il n'y a pas un titre que je saute. Non, ils sont tous bien. Et ce qui est bien, je viens un peu sur toi, pour quand on les voit en concert, y a le son qui est nickel, musicalement c'est nickel, y a, et aussi le show visuel. Pourquoi ? Parce qu'il y a des tenues. Bien, lui aussi. Et il y a des tenues aussi. Ouais, il y a des tenues et puis il bouge bien. Ouais. Ils sont sympathiques, ils communiquent bien avec leur public, que ce soit du batteur, bassiste, guitariste. Et en plus, ce qui m'avait fait rire, le batteur, en fait, dans The Poodle, il y a des genres de signes, par exemple, remonter en casse, tu te rappelais, et 4 grosses caisses sur la batterie, mais une batterie complète, quoi. Ouais. Donc c'est pour vous dire, c'est vraiment génial, ils avaient enflammé le crogne. Ouais, ouais. Ouais, si, c'est vrai, il avait enflammé. Ouais. Franchement, il y avait bien du monde. Il était complet. Ouais, c'était avec, je crois, Michael. Non, c'était pas Michael Monroe. Michael Monroe. Partie. Voilà, c'est ça, ouais, c'est ça, ouais. Ah ouais. Non, ouais. C'était avec Hardcore Superstar. Ah non, c'est pas Michael Hardcore Monroe. Hardcore Superstar. Non. Ouais, Michael Monroe, c'est avec Hardcore Superstar. Ah, ouais. C'est vrai. Donc c'était. Qui est bien sympa aussi, ouais. Michael Monroe entre parenthèses. Oui. On confond parce que c'était pratiquement les mêmes à quelques jours près. Ouais, c'était une grosse semaine. Hein, ouais, c'était une grosse semaine. Mais depuis ce fameux concert, ils n'arrêtent pas de tourner pour le moment. Mais ils ne tournent pas en France ni en Belgique. Ouais, mais ils ont fait leur date. Maintenant, ils sont je ne sais pas où. Ils tournent encore. Je vois encore leurs photos sur Facebook. Ah, ils tournent. Mais rien d'annoncé pour la Belgique ni France. On va croiser les doigts. Hein. Peut-être que le rêve sera réalité. Vous êtes pour leur poser la question. Voilà. Voilà. Oui. Puis même les revoir. Voilà, déjà les revoir, c'est déjà pas mal. Allez, je te laisse annoncer. Alors, les Poodles avec le titre « Cracking the Wall ». Ah oui, attends, c'est vrai, on a du truc maintenant, c'est vrai, on a du ça. Eh oui, les métalleuses et les métalleux, c'est l'heure de la Sylval Song. We'll be right back. Voilà, donc c'était Sylvain. Les Poodles. Oui. Donc avec le titre Crack in the Wall. Voilà, donc on espère excellent. Pour toi que ton vœu se réalisera. J'espère. Hein, de les revoir en concert, de les revoir, pas les revoir, les revoir. Ouais. Et que tu puisses leur poser la question. C'est vrai que j'ai pas posé la question parce qu'elle ne se posait pas cette question à ce moment-là. Bah non. Mais on verra sur le prochain c'est album. C'est en faisant mes recherches, n'est-ce pas, sur le groupe que j'ai dit tiens, il y a un truc qui cloche là. Oui, voilà. Allez, on continue cette programmation musicale avec Eden's Cures. Le nouvel album est arrivé, l'album s'appelle Cardinal. Et on va s'écouter Mesia Complex. La pochette, elle est vraiment magnifique. Je vous invite à aller la voir sur la page Rives d'Enfer. Voilà. Sinon, vous êtes bien branchés avec donc Sylvain, le Slasher et moi-même pour l'émission. Rives d'Enfer sur RQC 95 FM. De attends, je suis justement en train de faire voir ma photo avec le guitariste. D'accord. Voilà, donc c'était Eden's Cures, Mesia Club, Complexe. Ça peut être joué dans un club par contre, ça c'est vrai. Tout à fait. Et le titre de l'album s'appelle Cardinal, c'est bien. Franchement, la pochette elle est superbe. Le club de Crane par exemple. Le club de Crane, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. Ouais. Mais bon, faudra qu'ils trouvent le groupe. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Alors, on les a vus au Ramfest. Ah. On les a vus au Hellfest. Ah. Ils sont super sympas. Tu as fait un petit coucou, t'as un petit peu parlé deux secondes avec le chanteur qui est en train de siroter une petite bibine après son set. C'est le chanteur de Zian Soir. Ah non, c'est pas lui, non. Et c'était quelqu'un d'autre. Ah non, ils sont pas encore. C'est juste quand on est allé dire au revoir à tonton Roger. Donc, et là, il y a un nouvel album qui va arriver. Et Charles de Im Media nous a envoyé en promo le single qui va sortir, qui s'appelle Solace. Ah. Voilà. Donc on va s'écouter donc Zian Soir avec le titre Solace en première sur Rive d'Enfer. Stop to wonder the reason we are here. Would you let it drag you under? Would you live your life in fear? Oh, I got a hunger, but I can't feed. Something's itching beyond my reach. I got knowledge, but I don't wanna teach. I need a window, I need a window. What the light don't feel, the darkness kills. I don't know where I stand. Eh ben, je me réjouis de voir l'album, voir un peu dans quel acabit il va être, mais c'était The Answer avec Solace. Déjà, ça s'annonce très très bien. Ça s'annonce très très bien, voilà. Eh ben, il est exactement 21h03 à l'horloge de ton studio. Il est l'heure de passer la balade crapuleuse. J'ai pas choisi une balade crapuleuse, mais j'ai choisi un groupe qu'on peut classer en pop-rock. Il y en a qui ont croisé ce groupe, qui l'ont classé aussi en métal. Pour moi, ma part, je regrette de ne pas avoir vu et que je ne verrai jamais ce groupe. Quand je dis que je ne verrai jamais, pourquoi? Tout simplement parce qu'il tourne toujours, mais je ne le verrai pas comme je voulais le voir, car M. Freddie Mercury n'est plus là. Ah oui. Voilà, et donc on devait assister à la tournée Innuendo. Malheureusement, c'est là qu'on a appris qu'il était malade. Et j'ai choisi tout simplement We Are the Champion, une chanson qu'on ne passe pas souvent. Tout le monde passe souvent Bohemian Rhapsody avec le fameux Mama, mais rarement We Are the Champions. Donc voilà, c'est la balade crapuleuse d'aujourd'hui. Ouais. Queen. Time after time, I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my share. Tune in everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. And I need to go. We are the champions. Voilà, c'est une chanson que, voilà, c'est We Are the Champion de Queen, et ça restera une hymne pour moi de Queen, quoi, ça c'est sûr. Allez, on redémarre, on s'est bien endormi pendant 3 minutes et des brouettes, on va se réveiller avec Hunger Tamed, l'album s'appelle Purgatory Airline. Bah, décidément, la terreur, on est passé partout, l'apocalypse, le purgatoire, maintenant on est au purgatoire, et on va s'écouter Broken Tool. C'est pas mal, c'est nouveau, c'est tout frais. Ça sent le frais d'ailleurs. Allez, c'est parti. Let's take the silence through the little girl's cry. Ça, je crois qu'on est tous les trois d'accord. Hein. Ouais, c'est pas mal, ça envoie du lourd. C'est Hunger Thand. Je dirais même plus. C'est du très lourd. Et l'album, il est dans la même acabie. Hein. Tout l'album. Et donc, le titre, c'est Broken Toll. Mmh. C'est Burgatory Airline. D'accord. La pochette, elle est sur la page Rive d'Enfer. Je l'ai mise, oui. Le prochain aussi, j'ai mis la pochette. Si vous aimez bien les belles cuisses. Donc voilà, je vous aide un petit peu pour... C'est Wild Souled. Une bonne petite surprise, une bonne petite découverte. L'album s'appelle Game of Love. Et on va s'écouter Dirty Mind. Franchement, c'est... Là, c'est vraiment la cam Rive d'Enfer à 300%. Quoi. Ok. Voilà, j'ai encore fait des heureux musicalement hein, avec eux. C'était vachement bien. Wild Soul, Dirty Mind. Le prochain, bah, c'est le nouveau Merciless qui est arrivé, qui s'appelle le Pathetic Divinity, dont la pochette la voici. Je la montre au micro, comme ça, si vous la voyez. Hop, voilà. Et on va s'écouter le titre éponyme de l'album, un album qui fait quand même 13 titres. Avec donc, bah, y a des bonus, 3 titres dessus, Merciless. Et on va s'écouter donc le titre éponyme de... qui s'appelle Pathetic Divinity. Voilà, donc c'était le nouveau Merciless. L'album s'appelle Pathetic Divinity et on s'écoutait le titre éponyme de cet album. Excellent, c'est pas mal. Ouais, c'est bien, c'est bien. Voilà. Alors, le prochain c'est Letter from the Friar et avec le titre My Angel. L'album s'appelle Worth the Pain. Ça aussi, c'est pas mal du tout. J'ai vraiment bien aimé ce genre Letter from the Fire avec My Angel. Voilà, si vous entendez, c'est le slasher qui évacue ses naseaux. En studio, il y a tout. C'est vraiment du direct. Voilà. Ah, bah ça arrive, hein. Écoute, ouais, voilà. Bon. C'est vrai qu'il y a une semaine, on était à plus de 30 degrés. C'est ça, il y a beaucoup de rhume, il y a beaucoup de tout. Hein, ouais. Il y a une semaine, on était à 30 degrés et là, maintenant, on est redescendu à 20, 21. Voilà, donc, mais bon. On va pas se plaindre quand même non, pour, on un encore beau, hein. Ça va. Pour un mi-septembre déjà. On va tout à fait. On va croiser les doigts pour que ça dure jusque mi-octobre, ce serait impeccable. Bon, ça, c'est génial, même, ouais. Même toute l'année. On veut le climat d'Hawaï. Allez, le prochain, l'album, il s'appelle tout simplement Impérial. Comme tu vas faire remarquer que la pochette, elle était magnifique. Elle est pas mal. J'aime bien. Ouais. Le groupe s'appelle Magoa. Magoa. Et on va s'écouter un titre que j'ai choisi comme ça, qui s'appelle Résistance de Magoa. Donc, nouveauté. Merci encore une fois à Tonton Roger. Voilà, allez, c'est parti. Roger, sa drôle de dame. Oui, c'est drôle de dame. Ouais, il ne reste plus qu'une. Hein. Ouais. I'm not ashamed, all you're looking for. The loyal dog of the system, the peasant trolls. To all the victims, the fallen stars, let their hands fall. Till the break of dawn. I want to cover your face with a shroud. Don't even think about a funeral. All the secrets, burns all the thieves. Voilà, donc c'était le nouveau Magoa. L'album s'appelle Impérial. C'est un titre impérial qu'on vient de s'écouter. Ah oui, franchement, c'est vraiment impérial. On s'est écouté Résistance, voilà. Ouais. C'est pas mal. Ouais. J'aime bien l'atmosphère derrière, clavier et tout ça, c'est vraiment bien foutu. Alors, le prochain qu'on va s'écouter, c'est tout simplement Live Ice. L'album, la pochette de l'album est sur la page Rive d'Enfer. Très, très bien travaillé. Pour le moment, c'est un EP. On attend l'album incessamment sous peu. Dès qu'on l'aura, on vous le fera découvrir. On va s'écouter Fire in the North, partie 1. Il y a deux parties, je ne vais pas les jouer les deux parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Et donc, on va s'écouter Live Ice, Fire in the North. Voilà, donc là c'était Leave Ice avec Fire in the North. Voilà, c'est une petite nouveauté encore. De toute façon, il n'y a que des nouveautés ici. Hein. L'enfer, c'est radio, c'est émission. Bah, à part quand il y a la Stachel, la Sylvale et la balade crapuleuse. Mais après, on repart que sur des nouveautés. On n'arrête jamais. On arrête exclusive. Jamais. Pas tout exclusive quand même. Oui, hein. Alors, le prochain, c'est Oudloud avec Ésotérisme. L'album s'appelle Origine. Et on va s'écouter un titre de cet album. C'est Woodland avec Ésotérisme. L'album s'appelle Origine. C'est bien. C'est un peu, pas mal. C'est lourd. Hein. C'est une musique un peu lourde. Le prochain, bah, on peut faire un jeu de mots avec ce groupe. C'est Rain Veil. Donc si tu le colonnes un mot, ça fait réveil. Oui, voilà. L'album s'appelle Verses. Et on va s'écouter Break Out. Ça aussi, ça a été une bonne petite découverte, franchement. Donc, ça, Rain Veil avec Breakout, c'était une bonne petite découverte. We'll be right back. Voilà, donc c'est Rainvale avec Breakout. C'est, je vous avais dit, hein, c'est, pour moi, ça a été une bonne petite découverte aussi. Oui, c'est aussi. Pas mal. Ah, mais franchement, tout ce qui est clavier, tout comme ça, ouais. J'adore. Alors là, on avait écouté le premier extrait de l'album qui est là maintenant, qui s'appelle The Last Heroes. L'album s'appelle Alter Bridge. Et là, on va s'écouter un deuxième extrait. C'est Twilight, un groupe aussi qu'on affectionne particulièrement ici sur Rives d'Enfer. Voilà, donc c'était le nouveau Alter Bridge, extrait donc de l'album The Last Heroes. C'était Twilight. On n'est pas dans la bande originale. On n'est pas dans la bande originale du film, mais bon, loin de là. Malheureusement, si c'est la BO aurait été comme ça, ça aurait déjà été plus intéressant. Alors, on poursuit cette programmation musicale avec Initiated. L'album s'appelle World on Fire et on va s'écouter Act of Flesh. C'est tout de suite, c'est maintenant. Voilà, donc comme tu me faisais signaler tout à l'instant, Initiated avec Act of Flesh, t'as vraiment, c'est pas mal, t'as bien aimé. Ça. Moi j'aime bien le haut derrière, ça fait un peu penser aux années Black Sabbath, tu vois. Bah écoute, moi ça me fait penser un petit peu, tu chose, c'est marrant, toi c'est Black Sabbath, mais ça me fait penser un petit peu à du Black Label Society, légèrement voilà. La voix. À la Zach Wilde. Je parlais pas de la voix, moi je parle de, tu vois, un peu de la musique musicalement quoi. Ouais, même au niveau un petit peu guitare. Ah, Zach. Ça bouge un peu plus, disons. Zach, ton petit Zach. Ah, il tourne pas en ce moment non plus. Ah, ouais, oui. Il peut pas tout le temps tourner non plus, hein, il a une vie de famille. Hein. Il tourne là, mais pas par ici. Bon, Zach, si tu nous écoutes, franchement. Sylvain, elle est fâchée, elle est frustrée, mmh. Elle voudrait te revoir. Voilà. Voilà, si tu nous as écoutés. Et même pas peur, même si c'est à l'occurrence, pas de problème, je resterai assis, moi. Pas je bouge problème. Pas. Alors, on va s'écouter juste avant de se dire au revoir. Hammersmith avec Rocksteady. L'album s'appelle Still on Fire. Je dis juste que l'équipe de Midnight Monkeys Radio Show est arrivée. Donc voilà. Mais il n'y a plus de programme, donc ce sera surprise, surprise musicalement. Mais ils sont là, donc d'ici quelques minutes, on vous les retrouverez. D'abord, c'est Hammersmith avec Rocksteady. On se quittera avec un autre titre. Voilà. Ça va te faire plaisir, ça va être encore une petite découverte pour toi. D'accord. C'est ça. Oui, c'est bien. Jump on the stage and play a babe. Voilà, donc c'est une petite découverte encore. Hein. Qui est pas mal du tout. Ouais. Ah, Hammersmith, ouais. Rocksteady. C'est bien notre cam, ça. Ouais. Et l'album s'appelle Still on Fire. Voilà, il est bientôt l'heure de se quitter. On va vous laisser en bonne compagnie hein, avec l'équipe de... Monkey Night Radio Show. Monkey Midnight. Ça va arriver, tu sais, c'est comme... tu vois, on s'habitue à votre nom... il y a un an, et maintenant vous le changez. Si vous faites ça tous les mois, les amis, c'est pas sympa. Allez, nous on va se quitter avec. Alors là, on se retrouve la semaine prochaine, oui, Val. Tout à fait. Et nous, on aura la bonne surprise dans deux semaines, nous, le Slasher. Oui. La semaine prochaine, on aura Nightmare, le groupe Nightmare, mais français, en interview téléphonique, en phoneur, donc pour leur nouvel album qui sort au mois de novembre, mais on a eu l'occasion de le recevoir. Donc je vais me permettre de le découvrir et pouvoir poser des questions sur cet album avec un nouveau line-up, comme tu disais tout à l'heure. Alors, on se retrouve la semaine prochaine. On va vous laisser en bonne compagnie. Avec des nouvelles de Chris Holmes. Là, je l'aurais vu. Ah oui, tu l'auras vu. En os ou en chair. Il est quand même bien. Donc, en bonne chair quand même. Il est bien. Voilà. Allez, on va se quitter avec... Attention, là c'est un peu plus compliqué, c'est An Entomb from Crippled Children, ça c'est le nom du groupe, donc c'est déjà pas mal, j'imagine déjà les gens en train de crier An Entomb from Crippled Children. Alors avec un titre qui s'appelle I Will Never Let You Die, voilà, on se quitte avec ça, et puis après on retrouve donc Gér et Bass pour leur émission. Programme découverte, on peut dire ça maintenant comme ça, parce que vous n'avez plus de programme découverte. Allez, c'est parti.